Wir danken Jesus Christus für diese Gemeinde. On remercie l'Éternel pour cette église. Amen. We should be grateful for this ministry. Wir sollten dankbar sein für diese Gemeinde. On doit être vraiment reconnaissant pour ce ministère. A ministry that we hate compromise. Eine Gemeinde, die Kompromisse hasst. Une église qui déteste les compromis. A ministry that we will not want to see on the outside, but Christ alone. Die eine Gemeinde, die nichts draußen sich nichts außer Christus sieht. Donc une église qui ne voit pas l'extérieur, voit seulement Jésus-Christ qui est l'intérieur. A ministry that is not in competition with anybody. Eine Gemeinde, die mit niemandem in Konkurrenz steht. Une église qui n'est pas en compétition avec autres églises. A ministry that is always about Christ Jesus alone. Eine Gemeinde, wo es nur um Christus Jesus geht. Une église là où il s'agit que de Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. Just like on Sunday, I will first of all, you know, I will be going into it one after the other. Amen. Amen. We will go into Christ Jesus in us is our faith. But before that, there are other things the Lord want us to hear and listen to and learn before we go there. Amen. Amen. Christus, Jesus, unser Glauben, aber darüber werden wir sprechen in der Folge, wenn wir noch über andere sprechen, Dinge sprechen, die der Herr uns erklären möchte. On va continuer avec notre thème qui est Jésus-Christ, qui est notre foi, mais avant d'y aller, on va d'abord repartir dans quelques autres points que l'Éternel nous avait fait comprendre le dimanche. Amen. Amen. You know, first of all, Christ family, thank you for being there for Christ Jesus. Zuerst einmal die Familie von Christus Jesus, danke, dass ihr da seid für Christus. D'abord la famille de Jésus-Christ, merci parce que vous êtes là pour Jésus-Christ. How many people are after him today? Wer ist alles hinter ihm her heute? Parce que combien de personnes sont seulement derrière le Christ aujourd'hui? People are after themselves. Leute sind hinter sich selbst her. Aujourd'hui les gens sont derrière eux-mêmes. And never after what they cannot see. Und niemals hinter dem hier, was sie nicht sehen können. Ils sont jamais pour derrière ce qu'ils ne peuvent pas voir. They are not after what they cannot see. Sie sind nicht hinter dem her, den sie nicht sehen können. Ils ne sont pas derrière la personne qu'ils ne peuvent pas voir. Amen. Thank you for being there for him again and again and again. Danke, dass ihr immer wieder und wieder für ihn da seid. Merci parce que vous êtes toujours là, vous continuez toujours à être là pour l'Éternel. He is never tired of us. Er hat uns niemals satt. Lui, il n'est jamais fatigué de nous. And we will never be tired of him. Wir werden ihn auch niemals satt haben. Et c'est la même façon que nous aussi, on ne sera jamais fatigué de lui. Are you getting it? Amen. He said he will be with us forever. Er wird für immer bei uns sein. Il a dit qu'il sera avec nous pour toujours. He said he will not leave us, he will not forsake us. Er wird uns nicht verlassen oder im Stich lassen. Et il a dit qu'il ne va, va pas s'éloigner de nous, il ne va pas nous abandonner. What about you and me? Was mit dir und mir? Et toi et moi? Is it a matter of time before we leave him and forsake him? Es ist eine Frage der Zeit, bis wir ihn verlassen. Est-ce que c'est une question du temps pour que toi et moi pour qu'on puisse le rejeter? Is it a matter of time before we say no to him? Es ist eine Frage der Zeit, bis wir nein sagen zu ihm. Est-ce que c'est une question du temps pour que avant qu'on puisse dire non à Jésus-Christ? His own kind of love is never tired. Seine Liebe ist niemals müde. Sa propre façon de l'amour n'est jamais fatigué. No matter the labor, because you are not the one laboring the labor. He's the one laboring. Amen. No matter the labor, there's no tiredness once it comes to God kind of love. Denn egal wie hart die Arbeit ist, wenn es um die Liebe von Jesus Christus geht, gibt es keine Ermüdung. Peu importe comment le travail est difficile de choisir Jésus-Christ, mais quand il s'agit de Jésus-Christ, vu que c'est lui qui fait ce travail à travers nous, de le choisir, on ne peut pas être fatigué de lui. What can make you to say it's fine now with him? Was sorgt dafür, dass du sagst, dass es vorbei ist mit Christus Jesus? Quelle chose est en train de te, oui, de te faire dire que c'est difficile de te faire rejeter Jésus-Christ? Amen. Amen. You know, in John 6, there are a lot that left him when they are dancing. This is over. You see, this is the last. This is the end. We cannot continue. In John 6, her saying, are you getting it? Mm-hmm. They left him. In Johannes 6 haben ihn viele verlassen nach den harten Worten, die sie gehört haben. À Jean 16, on voit que quand Jésus-Christ a dit que c'est lui qui est le pain et la boisson, il y a beaucoup de gens qui l'ont abandonné. These people were following him before. Diese Leute haben ihm vorher gefolgt. Et ces personnes-là, c'était des personnes qui étaient en train de suivre Jésus-Christ. Are you getting it? Mm. They were once a follower. Sie waren einst seine Nachfolger. Ils étaient une fois, ils étaient les gens qui suivaient Jésus-Christ. But they had their limits. Aber sie hatten ja ihre Grenze. Mais ces croyants-là, eux, ils avaient leurs limites. Just like here in this ministry, some were once here, but today they are no longer here. Because they have their limits with Christ Jesus. Mm. Einige Leute waren hier und jetzt nicht mehr hier, weil sie ihre Grenze hatten mit Christus Jesus. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient ici, mais aujourd'hui ils ne sont pas là parce que eux, ils ont leurs limites avec Jésus-Christ. I don't have any limits. Ich habe keine any Grenze. Limits with Christ Jesus. Ich habe keine Grenze, wenn es um Christus Jesus geht. Moi, je n'ai pas de limite. Je n'ai pas de limite quand il s'agit de Jésus-Christ. Amen. There is no I'm tired once it comes to God kind of love. Es gibt keine Müdigkeit, wenn es oder ich bin müde, wenn es um die Liebe von Christus Jesus geht. Tu ne peux jamais, tu ne peux pas dire que je suis fatigué quand il s'agit de l'amour de Jésus-Christ. There's nothing like I'm tired of Christ. Weil ich bin müde von Christus. Tu peux pas dire que tu es fatigué du Christ. Are you getting it? God kind of love means you are loving Christ. I'm not loving the flesh. I'm not loving evil. Und nicht das Fleisch, nicht das Böse. L'amour de Jésus-Christ, ça signifie que tu aimes Jésus-Christ. Tu n'aimes pas la chair. Tu n'aimes pas le mal. Donc seulement Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13. Amen. Amen. His own kind of love is never tired of himself. Seine Liebe ist niemals müde von ihm selbst. L'amour de Jésus-Christ, ça ne fait pas fatiguer. Là, tu n'es pas fatigué de Jésus-Christ quand tu as l'amour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He is tired of something. He is tired of evil. Ist müde von, er hat etwas satt und das ist das Böse. Lui, il est par exemple, il est fatigué de quelque chose, l'Éternel. Oui, mais il est fatigué du mal. Praise the Lord. Hallelujah. If we read it from verse 4. Wenn wir das von Vers 4 lesen. Si on lit à partir du chapitre 4. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Corinthians 13 from verse 4. 1 Korinther 13 von Vers 4. 1 Corinthians 13, verset 4. Amen. He said, charity suffered long and is kind. He suffered long and is kind. Charity envied not. He's talking about Christ. God kind of love. God's love. God himself is his love. Gott selbst ist seine Liebe. Jésus-Christ lui-même, il est sa propre amour. Amen. Amen. He said, suffered long and is kind. Charity envied not. Charity voted not itself, is not puffed up. Are you getting it? Mm. You can see all here. Doth not, verse 5, doth That's not good. Behave himself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiced not in iniquity. But rejoice in the truth. Bear all things, believe all things, hope all things, endure all things. He's talking about Christ to Christ. Es geht um Christus. And not Christ to evil. Und nicht von Christus zum Bösen. Donc ici il parle du Christ à Christ. Donc parle Christ et le mal. Are you getting it? Quand il parle de l'amour de Dieu. Mm. It's not talking about Christ and religion. We're not tired of religion. You are religious people. Are you getting it? Mm-hmm. Those choosing evil. He's talking about Christ to Christ. Mm-hmm. Those that we send yes to Christ. Mm-hmm. Those that you know that they still need time. That you will not be, you continue speaking to them. That there is a time you draw the line and say it's over. Because if they are not joining you, it's a matter of time you will join them. Denn es ist eine Frage der Zeit, wenn sie dir nicht zuhören, wirst du ihnen zuhören, du Teil von ihnen werden. Donc c'est une question de temps parce que si tu continues à écouter le mal et tu n'es pas mauvais, mais tu écoutes le mal, c'est une question de temps pour que tu puisses les rejoindre. Amen. Amen. What kind of love is not tired of cry, but is tired of evil. Like religion, like self, like the flesh. Are you getting it? Mm. In verse 5, it says it's not easily provoked. It means Christ to Christ. and not cries to evil. Are you getting it? He's allergic to evil. He's allergic to the flesh. Is somebody getting something? Der Herr ist allergisch gegen das Fleisch, gegen Religion, gegen das Böse. Et donc, verset 5, il dit que l'amour de Dieu n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Donc, il est allergique au mal, mais pas du Christ lui-même. Are you getting it? Once you see evil, you are so polite. No, he said be angry and say not. He said you are to hate evil. Be allergic to evil, to the flesh. If you see somebody is in the flesh, you don't keep quiet. You are there to correct and you sharpen it iron. Are you getting it? If you are quiet, you are compromising. You are part of the destroyer and not to save. Wenn du einfach ruhig bist bei Bösen, dann bist du Teil vom Zerstörer. Und, aber du bist doch da, um zu retten. Et quand il dit ça, comme verset 5, c'est toujours du Christ au Christ, parce que contre le diable, il dit qu'on doit être resté fâché, mais on ne doit pas pécher. Donc ça signifie que quand tu vois quelque chose de mauvais, du mal, tu le dis parce que tu es allergique au diable, tu refuses de faire d'être parti du mal. Donc ça signifie que tu es obligé de dire, quand tu vois le diable, tu vois quelque chose de mauvais, tu es même obligé à le rejeter. Der hat nicht gesagt, dass wir Menschen fürchten sollen, sondern ihm fürchten sollen. Et l'Éternel n'a pas dit que on doit avoir peur des gens. Il a dit qu'on doit, lui craindre, pas craindre l'être humain. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. In verse 6, say, rejoice not in iniquity, but rejoice in the truth. He hates anything outside the truth. Er hasst alles außerhalb der Wahrheit. Lui, il déteste tout ce qui est en dehors de la vérité. Amen. In verse 7, we say, bear all things, believe all things. Amen. Whatever is the truth, you believe it. What Christ called the truth, no matter how hard it is, no matter how difficult it is, if he cannot even understand it, let him believe it. Because it's coming from Christ. Weil es von Christus Jesus kommt, glaube es, auch wenn du es nicht mehr verstehen kannst, auch wenn es hart ist. Et même si les histoires viennent de Jésus-Christ, même si c'est difficile de le croire, tu dois le croire parce que ça vient de Jésus-Christ. Are you getting it? We are not trying to make somebody understand. We are just telling you the truth. We don't need to make you understand anything. We just tell you the truth and you are to believe it. We tell one another the truth and we are to believe it. If we are really, truly hungry of the truth. Wir sagen einander die Wahrheit und geben einander die Möglichkeit, es zu glauben. Wenn du wirklich zu Christus gehörst, wirst du es auch glauben. Donc on se donne la possibilité l'un à l'autre la possibilité de le croire, mais on te dit la vérité et c'est à toi de choisir si tu vas le croire ou pas. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. Amen. Verse 7 again. Vers 7. Believe and bear all things that are of Christ Jesus. Vers 7. Amen. Believe, bear all things that are of Christ Jesus. Believe it all things that are of Christ Jesus and not of the flesh. If you understand it or not, you should know that this is coming from Christ Jesus. It might be difficult, it might be so hard, but you know your brothers and sisters that are in the spirit correcting you and be there for you. Value them so much. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, weil es von Christus Jesus kommt. Und genauso sollen wir auch uns einander schätzen, weil wir Familie von Christus sind. Et verset 7 nous dit que qui aime supporter tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Donc ça signifie que quand la famille de l'Éternel est là pour toi, c'est ta famille en Christ. Donc tout c'est pour le Christ qui a la patience. Et tu dois être vraiment reconnaissant quand ta famille en Christ te corrige, te soutient ou bien t'aide même à reconnaître la vérité. The truth is always painful to the flesh. Die Wahrheit ist immer schmerzhaft für das Fleisch, sehr sehr schmerzhaft. Car la vérité est toujours douloureuse pour la chair. C'est pour cela, oui, ça fait mal quelquefois. Are you getting it? That is painful. Should even speak to you. That you are still part of it. That season, he wants you out of there. The Lord wants you to be out of there. Das ist schmerzhaft. Das sollte sogar zeigen, dass es dass der Herr möchte, dass du da rauskommst. Et quand tu as, par exemple, quand on te corrige, quand le Christ ou bien ta famille en Christ te corrige et que ça te fait encore mal, c'est là que tu dois même comprendre et voir et reconnaître que toi, tu as encore le truc mauvais là dans toi. Et ça doit t'aider à se repentir et pas à être fâché. I will not be one side with somebody that is saying no to Christ Jesus. Ich werde nicht auf der Seite von jemandem stehen, der Nein zu Jesus Christus sagt. Et je ne veux pas me positionner derrière quelqu'un qui refuse l'éternel Jésus-Christ. Are you getting it? Because I cannot trust Satan. Weil ich dem Satan nicht vertrauen kann. Parce que moi, je ne veux pas faire confiance au diable. Are you getting it? You cannot be in both sides. Wir können nicht auf beiden Seiten sein. Tu peux pas être dans les deux parts. And somebody saying no to Christ cannot be in both sides. Niemand, der Nein. You have chosen the other side, which is not Christ Jesus. Ist auch nicht auf beiden Seiten, sondern er hat sich für eine Seite entschieden, nämlich die Seite, die gegen Jesus Christus ist. Donc tu ne dois pas être tiède, tu dois être chaud ou froid. Et une personne qui a déjà dit non à Jésus-Christ s'est décidé, il a choisi une partie. Et toi, oui, tu dois aussi choisir. Yeah, we get out of there, be better for us. Umso schneller wir da rauskommen, so besser für uns. Donc le plus vite qu'on va y sortir, c'est ça sera plus mieux pour nous. I've moved with people years ago and left them for Christ Jesus. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Then you know, actually, they are the one that left me. It's as if I'm the one that left them. Because you know, I not choose Christ. They refuse to choose Christ. If they choose Christ with me, we will be one. Ich war eins mit Menschen und habe mich dann für Christus entschieden. Und sie haben sich dann von mir getrennt, weil wenn sie sich für Christus entscheiden würden, wäre ich eins mit ihnen. Aber weil sich gegen Christus entschieden haben, kann ich mich nicht für sie entscheiden. Ich kann nicht eins sein mit ihnen. Moi, j'avais beaucoup des amis et j'étais un avec eux. Mais quand j'ai trouvé Jésus-Christ et je me suis décidé de choisir Jésus-Christ et oui, ça donne l'impression que c'est moi c'est moi la personne qui s'est séparée d'eux, mais non, c'est eux qui se sont séparés de Jésus-Christ parce que moi, vu que je me suis positionnée derrière l'Éternel, si eux, ils étaient aussi positionnés aussi derrière Jésus-Christ comme moi, on allait être un. Mais vu qu'on n'a rien en commun, c'est comme si c'est moi qui m'ai séparée d'eux, mais non, le contraire, moi, je me suis positionnée derrière le Christ. I can never side them in anything. Because they are saying no to Christ Jesus. It's always here in me. And that is what I can see. That they are no longer one with Christ. That's why I can never be one with them in anything at all. Und that's how you must get rid of anything then. Und weil diese Menschen sich gegen Christus Jesus entschieden haben, werde ich mich auch gegen sie entscheiden und alles loswerden, was sie angeht. Mm-hmm. Et moi, je sais que ces gens-là ont refusé Jésus-Christ ou bien ils veulent seulement, ils sont toujours derrière le soi. Et moi, je me suis positionnée derrière l'Éternel et c'est pour cela qu'il y a cette séparation. Donc, et c'est pour cela que c'est mieux que tout ce qui concerne ces personnes-là qui ne veulent pas Jésus-Christ, toi aussi tu dois t'éloigner de ça. Are you getting it? Once you are seeing the good side of them, you open the door for compromise. The spirit of compromise will come in. It's a matter of time. That spirit is so trickish. There's nothing good in Satan. There's nothing good in choosing Satan. Es gibt nichts Gutes darin, sich für den Satan zu entscheiden und Kompromisse einzugehen. Il n'y a rien de bon quand on est en train de se décider du diable. Parce que chaque fois que tu continues à voir, oui, ils ont aussi une bonne partie. Là, tu ouvres la porte pour le diable, pour emmener l'esprit de faire des compromis. Amen. You know, at the beginning, I said, we thank the Lord for this ministry. Because the Lord is always there to teach us, to train us. I'm being still taught. Are you getting it? I'm still his baby. He's still teaching me, changing my pampers. Are you getting it? Mm-hmm. So also every one of us. The message is for all of us and not just for one person, please. Und auch ich lerne noch. Ich bin immer noch ein Baby vor dem Herrn und er wechselt immer noch meine Windeln. Und die Botschaft ist für uns alle. Wir alle wachsen noch. Mm. Et moi, c'est pour cela que j'ai dit aussi, je remercie l'Éternel pour cette église parce que moi aussi, il continue à m'expliquer. Il est notre Père et quand on ne fait pas des compromis, c'est là qu'il est aussi derrière nous pour nous expliquer et nous faire comprendre beaucoup de choses. Amen. You might be good, maybe you are grown up, you are matured in one area. What about the other areas? He wants us to be matured everywhere. All aspects of it. He said we must be perfect like his father. Matthew 5. Er sagt, wir müssen vollkommen sein wie sein Vater. Und natürlich gibt es ein paar Bereiche, wo man reifer ist als in anderen Bereichen. Aber der Herr will, dass wir in allen Bereichen vollkommen sind wie sein Vater. Donc, il veut qu'on puisse être mature comme... comme il a dit qu'on doit être mature comme son père, donc ça signifie que l'Éternel il veut qu'on puisse, il y a aussi des places où on est aussi mature, des places où on n'est pas encore mature, mais il veut qu'on puisse être mature en toutes choses. Amen. Amen. Put something here, put one finger here and go to Matthew 5 please. Matthew 5 48. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. You see there? Mm-hmm. He wants us to be perfect in all areas. Mm-hmm. How can we be perfect without Christ Jesus? Vollkommen in allen Bereichen. Wie können wir vollkommen sein ohne Christus Jesus? Das ist nicht möglich. Donc, Matthieu 5, 48, il a dit que on doit être parfait comme notre Père. Non? Il a dit que... Pardon, vous donc soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Et si ça signifie qu'on doit être dans toute chose parfait, parce que lui aussi, il est parfait dans toute chose. How can we be perfect if we hate correction? Wie können wir vollkommen sein, wenn wir Belehrung hassen? Mais comment on peut être parfait si on déteste les corrections? Are you getting it? Mm-hmm. You can see where we are coming from. No one actually knows Christ Jesus. Mm-hmm. We all know whatever we know have been taught as been religion. And now he wants us to be perfect. How can we be perfect if we cannot love correction? Wie können wir vollkommen sein, wenn wir Belehrung nicht lieben? Denn wir alle kommen von einem Standpunkt, wo wir halt nicht Christus gesucht haben, wo Christus nicht unser Ein und Alles war. Nous tous, on vient d'un côté où on ne cherchait pas Jésus-Christ, où Jésus-Christ n'était pas notre tout et notre tout. Are you getting it? We must learn to love correction. Wir müssen lernen, Belehrung zu lieben. On doit apprendre à aimer, à adorer les corrections. And how to learn to love correction is by seeing Christ Jesus. Wie wir Belehrung lieben, ist indem wir Christus Jesus sehen. Et comment on aime la correction, c'est quand on voit Jésus-Christ. Just like he learned to see his father alone. Genauso wie er gelernt hat, seinen Vater allein zu sehen. Tout comme lui, il a appris à voir son père, seulement son père. That was how he was able to make it. So war er in der Lage, es zu erfüllen. Et c'est comme ça qu'il était capable de le, oui, d'accomplir tout. Back to 1 Corinthians 13, please. 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13. Verse 8. It says, charity never faileth. Are you getting it? Mm-hmm. Christ alone is forever. Die Liebe hört niemals auf. Christus Jesus allein ist für immer. L'amour, l'amour, ça n'a pas de fin. N'a pas de fin parce que Jésus-Christ lui-même il est l'amour. Amen. Amen. Everything the old they are bound to pass away. Alles alte ist wird vergehen. Donc toute chose qui est ancienne ça va passer. Are you getting it? Mm-hmm. The old prophecy. Die alten Prophezeiungen. L'ancienne prophétie. Today is our prophecy. No longer the old prophecy. The prophecy is no longer about you, it's about me. Die Prophezeiung, da geht es nicht mehr um dich, sondern um ihn allein. Dans la prophétie, il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de lui-même. Are you getting it? Whatever we do is now about him alone. It's not of him alone. And never, no longer about yourself. You know, in the old, they go to Moses, and Moses tell them about themselves. Now it's all about Christ Jesus alone. In der Vergangenheit sind die Vision, die Dreams, everything. It's Christ Jesus. Um Visionen und Träume zu bekommen von für ihr eigenes Leben, für ihren eigenen Zweck. Aber jetzt geht es um Christus Jesus. Avant, dans les prophéties, il s'agissait seulement toujours d'avoir des visions pour ta propre vie. Comment toi, tu dois faire quelque chose. Mais non, ça, c'est pas bien. Ça, c'est charnel. Il s'agit que de l'être humain. Maintenant, il s'agit que de Jésus-Christ parce que lui, il est notre prophétie. Amen. Amen. So, whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. They have vanished away. What we have now is no longer of the old. With this period, you know, here is talking about now for us. It's talking about this period that we are now. It's not talking about something coming later. It's talking about you and me right now. Because the Lord revealed everything of himself to us. He never hid anything from us. Es geht um uns jetzt hier, weil der Herr verbirgt nichts von uns. Er offenbart uns alles, er zeigt uns alles. Donc il s'agit de lui, parce que l'Éternel, il est, on a le Saint-Esprit et l'Éternel, ils sont en train de nous révéler toutes choses, aujourd'hui et maintenant. Amen. Your fasting passed away. The old prayer, amen. Your knowledge, just look at all of them. They are all of the past. We no longer, you know, the old understanding. Christ is now our understanding. It's our knowledge. It's everything. It's our Sabbath, your Sabbath, everything, the old circumcision. Everything vanished. But now it's Christ Jesus alone. Das Alte ist vergangen, jetzt ist alles Neues. Die alte Beschneidung ist vergangen, der alte Sabbattag ist vergangen. Jetzt ist alles, jetzt dreht es sich wirklich um das fertige Werk von Jesus Christus. Und das ist in allem jetzt erkenntlich. Donc il s'agit de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, l'ancien, il est déjà passé. Are you getting it? In verse 9, it says, for we know in part and we prophesy in part. Yeah, that was before this time. Now the Lord said, as he is, so are we right now. We are not different from him. Are you getting it? Jesus never said, I know in part. He said, what my father, I do everything that pleases him alone. Are you getting it? You see that? Jesus hat nie gesagt, dass er nur stückweise erkennt, sondern er sieht alles, er kennt alles, weil er eins ist mit seinem Vater und genauso sind auch wir. Et l'Éternel, Jésus-Christ, n'a jamais dit que oui, je connais seulement qu'une partie des choses, autre partie, je ne sais pas. Non, parce que lui, il était un avec son Père. Et vu que son Père, il connaît tout, ça signifie que lui aussi, il connaissait tout. Et il nous a dit que tout, tel qu'il est maintenant là, tel que nous sommes, tel qu'il est, c'est comme ça aussi que nous sommes aujourd'hui. Donc ça signifie qu'on doit aussi connaître tout. There are people that know in part, but not you and me. Es gibt Leute, die stückweise kennen, aber nicht du und ich. Il y a quelques personnes qui connaissent des choses en partie, mais pas toi et moi. We know fully. Amen. Wir wissen es aber vollkommen. Mais nous, on a toute connaissance. If you go to John 8, verse 55, quickly go there, please. We are coming here again. Go to John 8, verse 55. Johannes 8, 54. Jean 8, 55. 55. Yeah, you have not known him. Let's read from verse 54. And Jesus. 54. Jesus answered from verse 54. If I honor myself, my honor is nothing. It is my Father that honoreth me. Of whom you say that he is your God. Yeah. Verse 55. Yes, you have not known him, but I know him. Praise the Lord. Alleluia. We know Christ Jesus. We cannot say, if we say we don't know him, we are liars like them. Jean 8, 54, il dit que si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui se glorifie. Et il, à 55, il dit que pourtant que je connais mon Père. Vous ne le connaissez pas, mais moi je connais mon Père. Donc si on dit qu'on ne connaît pas l'Éternel, on ne sait pas comment il va faire, là on est des menteurs comme les pharisiens. Are you getting it? You see it? Amen. But I know him. And if I should say I know him not, I shall be a liar like unto you. But I know him. I keep his saying. Praise the Lord. We should not be different from him. Donc verset 55, il nous dit vraiment que quand tu sais que tu connais pas ton père, si on ne connaît pas Dieu, on est des menteurs et comme des pharisiens et c'est pour cela on doit jamais être différent de lui. He never said he knows his father in part. Er hat nie gesagt, dass er seinen Vater nur teils kennt. Il a jamais dit que oui, je connais mon père en partie, donc il y a des choses de mon père que je connais. Are you getting it? I know him. Il a dit qu'il connaît son père. And we know our father. Nous connaissons notre père. Et nous aussi on connaît notre père. In John 10 from verse 1, please. Quickly go to John 10 also. Jean 10. It says, verily, verily, I say unto you, he that enter not by the door into the sheepfold, But climbed up some other way. The same is a thief and a robber. Is somebody getting it? Amen. Amen. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice. And he calleth his own sheep by name. He's talking about you and me. And leadeth them out. Verse 4. Verse 4. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. We know his voice. Ils kennen seine Stimme. Il a dit que ses brebis connaissent sa voix. And that's why when somebody is speaking, somebody is in the flesh, you know, it's there is, we know that we are so allergic to him. We are so used to our father, and you know, we know his voice. We know how he speaks. I don't need to, you know, the song they are talking about counterfeit. You know, if you want to know, you want to choose between money, you want to know real money, just don't go and study counterfeit. You just go to the real money. The one that is real. Study it again and again and again. If you are so used to it, the counterfeit once it comes, you are irritated. Are you getting it? Though also, we are so used to him that any time, that is why you can see how we are provoked once the flesh is, once we sense something, when something is smelling. We see the flesh smelling, we are not quiet. Are you getting it? Und genauso, wenn wir das Fleisch riechen, können wir nicht ruhig bleiben, sondern wir merken das und es irritiert uns, weil wir das die Fälschung von dem Original unterscheiden können. Genauso ist auch mit Falschgeld. Du musst nicht jegliche Art von Falschgeld untersuchen können, um ein Meister vom Originalen zu sein, sondern du musst das Originale studieren und dir anschauen, damit du dadurch jegliche Fälschung von Weitem schon erkennst. Und so ist es auch mit der Wahrheit. Donc avec la vérité, quand il dit que mes brebis écoutent ma voix et c'est pour que cela, ils me suivent, c'est comme aussi nous aujourd'hui, quand on est habitué avec la vérité, on connaît notre Père, on est allergique aux mensonges du diable. Et quand quelqu'un parle, on sait directement distinguer la vérité et le mensonge, la voix de l'Éternel et la voix du diable qui est la voix de la chair. Hein. Et c'est comme ça aussi que je disais dimanche, je disais avec... une monnaie vraie et la fausse monnaie, tu n'as pas besoin d'étudier toutes les fausses monnaies de ce monde les distinguer de la vraie monnaie. Tu as seulement besoin de connaître la vraie monnaie par cœur, de le comprendre et oui, de le connaître vraiment et réellement. Et c'est comme ça que tu es capable de distinguer, de reconnaître chaque fausse monnaie. Amen. Amen. We are so used to what he called the truth. We are so rooted in the truth that any time lies come, we are irritated. Verwurzelt in der Wahrheit. Yes, action. Yes, reaction. Die Lüge kommt, wir direkt darauf reagieren können. On est si raciné dans la vérité que chaque fois que les mensonges du diable viennent, on est déjà directement alerté et irrité. He said, and the sheep follow him, for they know his voice. Und sie kennen seine Stimme. Know his voice, and we know the other voice. Sie kennen seine Stimme, wir kennen die andere Stimme. Et il dit que les siens, ses brebis connaissent sa voix, et c'est comme ça que nous aussi on connaît sa voix. Amen. We know that the other voice is opposite his voice. Wir wissen, dass die anderen Stimmen das Gegenteil von seiner Stimme sind. On sait que l'autre voix c'est le contraire de sa voix. In verse 5, il dit, and a stranger we dare not follow. Are you seeing? You get it? You know, when somebody just speak, when somebody is acting, when somebody there's action, there's reaction. You can see, you are smelling the five senses, you can just see everything. And a stranger we dare not follow, but we flee from him, for they know not the voice of strangers. I don't know this voice, I only know the voice of my father. This voice is opposite the voice of my father. And I will never accept, I will never say yes to it. Ich werde niemals Ja sagen zu der Stimme, die nicht von meinem Vater kommt. Amen. Et moi, je veux jamais accepter la voix qui ne vient pas de mon père. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. So also in John 8 again. John, go to John 8 again, please. Jean 8. Verse 32. 32. 32. Amen. Mm. He said, but you shall know me. And then you are free. Verse 32. Do you see that? Until you know me, and you believe, and you can say that I know him, you are not free. Mm. Donc Jean 8, il nous fait voir que il nous dit que quand on lui connaît, c'est comme ça qu'on est libre. Amen. Praise the Lord. Amen. We can only be free when we know him. Wir können nur frei sein, wenn wir ihn kennen. Donc c'est Jean 8, 32 où il nous fait voir qu'on est seulement libre quand on le connaît. And not when we know him in part. Somebody get in it. Et pas quand on le connaît partiellement. Back to 1 Corinthians 13, please. 1 Corinthians 13. Again, verse 9. For we know in part, and we prophesy in part. Now, that's not us. That's not for you and me. We know him fully. Religion, okay. You know, there are people. You know, sometimes they just sing. Their song is so beautiful. You just say, this is revelation. They only know him in part. But we know him fully. Und manchmal hörst du Lieder von Leuten und du denkst, das sind wirklich Kinder Gottes, die ihn wirklich kennen, aber eigentlich diese Leute kennen ihn nur teilweise, aber wir kennen ihn vollkommen. Et ici, verset 1 Corinthiens 13, 9 dit, car nous ne connaissons qu'en partie. Là, il ne parle pas de nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes directement comme le Christ. Nous sommes aussi des petits dieux. Nous sommes vraiment comme Jésus-Christ et c'est pour cela que ce n'est pas nous. Amen. You know, religion has taught us that until we die and live here, we will not know him. It's then we will see him face to face. Er sagt uns, dass erst wenn die Sterne hier weg sind, dann verstehen wir ihn und sehen ihn von Angesicht zu Angesicht. Religion sagt, dass erst wenn wir sterben und bei ihm sind, physisch, dann werden wir ihn erst verstehen und vollkommen, in Fülle verstehen und sehen. Et la religion nous dit que quand on meurt, c'est là qu'on est capable de connaître l'Éternel. Mais ça, c'est pas vrai, c'est pas la vérité. Nous, on le connaît déjà ici. On n'a pas besoin de le voir avec les yeux physiques pour le connaître. Are you getting it? For religion, until they die, they are not. They don't believe you can get to heaven. But Christ said, I brought heaven here on earth. Und sie denken, erst wenn du gestorben bist, dann kannst du Christus Jesus sehen, dann kannst du das Königreich sehen. Aber der Herr sagt, dass er das Königreich hier hingebracht hat. La religion dit que c'est quand tu meurs, c'est là que tu es capable à être dans le royaume des cieux. Mais lui, il a dit qu'il a emmené le royaume des cieux ici sur terre, ici avec nous. The Lord wants us to be aware. Der Herr will, dass wir uns in Acht nehmen. Donc l'Éternel veut qu'on puisse faire attention. He wants us to be aware of those with pity. Dass wir uns in Acht nehmen vor den Menschen, mit denen wir Mitleid haben, die wir immer noch lieben. Donc on doit... Il veut qu'on puisse faire attention avec les gens qu'on est en train de, d'avoir pitié d'eux. Amen. Those who still see one way or the other that say they belong to Christ when they are not even there any longer. Die Leute, bei denen wir meinen, dass sie immer noch zu Christus gehören, obwohl sie gar nicht mehr zu Christus gehören. Ou bien, oui, les gens qu'on est en train de défendre, ou bien de voir que, ils sont aussi du Christ, même s'ils ne sont plus du Christ. Ils disent avec leur bouche qu'ils croient en Christ, mais avec leur cœur, il ne s'agit que d'eux-mêmes. Are you getting it? Those we still side in one way or the other. Die Leute, die wir immer noch auf deren Seite wir uns immer noch stellen. Donc les gens qu'on est en train de défendre dans une manière et l'autre. We never see them leaving Christ, that they have left Christ completely. Wir kennen nicht, dass sie oder wir sehen. We still see them half-half. If you are not for Christ, you are against him. Wir sehen sie nicht als Menschen, die Christus Jesus vollkommen verlassen haben, aber wir sehen sie als Leute, die noch halb-halb sind. Et tous ces gens-là on est en train de les considérer comme des gens qui sont encore qui ont un pied dedans et un pied dehors, qui ne sont pas encore directement dans le camp du diable. Ces gens-là, on doit faire attention. Are you getting it? We still see them. Okay, they are not here, but they still belong to Christ. Sagen, sind zwar nicht hier, aber sie gehören immer noch zu Christus. On dit que oui, ils sont plus ici, mais ils appartiennent toujours au Christ. You cannot go against Christ and be for Christ. Du kannst nicht gegen Christus vorgehen und immer noch für Christus sein. Tu ne peux pas faire quelque chose contre le Christ et mais être pour le Christ. He said, who fights you, fight me. Wer dich bekämpft, bekämpft mich, sagt der Herr. L'Éternel a dit que la personne qui est en train de me combattre, il me combat aussi. Who despises you, despises me. It's so simple to understand that people cannot get it. Il dit que la personne qui est en train de parler mal de vous, il est en train aussi de parler mal de moi. Are you getting it? We still see their reasons of living Christ understandable. We still see why they left, why they are no longer here. On that, we still see it. We can still reason with them. I said, the spirit, don't open the door for the spirit of compromise, please. Wir können immer noch nachvollziehen, weshalb sie die Gemeinde verlassen haben, weshalb sie nicht mehr hier sind, aber öffnen dem Teufel nicht die Tür für Kompromisse. Mm. Donc tous ces gens-là, on est en train de comprendre pourquoi ils ne sont plus là, et oui, on a un peu compassion. On doit faire attention de ne pas ouvrir la porte pour le diable, avec l'esprit de nous emmener l'esprit de compromis. We understand their reasoning more than we want. More than Christ wants us to understand him. Wir verstehen ihre Gedankengänge besser als wir Christus verstehen. Oui, on est toujours capable de comprendre leur raisonnement plus que comprendre le raisonnement, les raisonnements du Christ. Call shit shit. Nenne Mist Mist. Quand il y a de la merde et tu le vois, appelle la merde de la merde. Call evil evil. Nenne das Böse Böse. Ce qui est diabolique, cite-le, appelle-le aussi diabolique. Stop seeing good and evil. Hör auf, das Gute im Bösen zu sehen. Arrête de voir quelque chose de bon dans le diable. There is nothing good in evil. Es gibt nichts Gutes im Bösen. Parce qu'il y a rien de bon dans quelque chose diabolique. Are you getting it? Stop considering their evil reasons. Reasons of saying no to Christ. Hör auf, ihre bösartigen Gedankengänge, die sie haben, um Christus Jesus zu verweigern oder in Ablehnung zu Christus Jesus zu leben. Hör auf, diese Sachen nachvollziehen zu wollen oder zu können und erkenne, dass es einfach bösartig ist, egal wie plausibel es für dich erscheinen mag. Arrête d'avoir compassion ou bien même compréhension de la raison laquelle ces gens-là sont en train de prendre la décision de ne pas suivre Jésus-Christ, d'abandonner Jésus-Christ en fait. No matter the reason they give, if they are not considering Christ, then there's no way. Egal was sie für einen Grund geben, wenn sie Christus nicht erachten, ist es vorbei. Peu importe leur raison, mais s'ils sont pas en train de considérer Jésus-Christ, là c'est fini. Christ told us to consider him alone. Christus hat uns gesagt, dass wir ihn alleine achten sollen. Jésus-Christ nous a dit qu'on doit seulement le considérer seulement. Are you getting it? So it's not considering one another, but consider Christ. Nicht einander erachten, sondern Christus erachten. Il n'a pas dit qu'on doit se considérer l'un et l'autre, mais on doit considérer le Christ. Beware of the spirit of compromise. Nimm dich in Acht vor dem Geist von Kompromiss. Fais attention de cet esprit de compromis. Are you getting it? The spirit of compromise always sneak in as you see a little good and evil. Dieser Kompromissgeist kommt immer rein, wenn du anfängst, das Gute und Böse zu sehen. L'esprit de compromis vient toujours quand tu commences à voir le bien dans le mal. Are you getting it? Mm. You consider whatever they call their motive. Du erachtest das, was sie ihr Motiv nennen. Toi, tu es toujours en train de considérer ce qu'eux, ils appellent leur motif. Are you getting it, please? We are not man, always, you know, we want to consider why they call their motive. Or say no to Christ. Wir wollen ihr Motiv, weshalb sie Christus Jesus verweigern, erachten, verstehen, nachvollziehen. On veut toujours leur motif, comprendre leur motif, comprendre leur raisonnement. Allow Christ's word be final. Lass zu, dass das Wort von Christus final ist. Permet que la parole de l'Éternel soit finale. Be completely of the Spirit. Sei vollkommen vom Geist. Sois vraiment en Christ, en esprit. Stop seeing the other side. Hör auf, die andere Seite zu sehen. Arrête de voir l'autre partie. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Stop seeing the other side. Hör auf, die andere Seite zu sehen. Arrête de voir l'autre partie, l'autre côté. Before we continue from there, let's go to Luke 17, please. Lucas 17. Luke 17. Luke 17, 20 and 21. Lukas 17, 20 und 21. Praise the Lord. Amen. Luke 17. Luke 17, 20 and 21. Merci. 20 et 21. 17, 20 et 21. And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God coming not with observation. Neither shall they say, lo, here, or lo, there. For behold, the kingdom of God is you and me. Praise the Lord. Halleluja. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Amen. Et Jésus-Christ répondit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voyez, le royaume des dieux est au milieu de vous. C'est ce qu'il a dit. Amen. Amen. Everything in the kingdom of heaven is the kingdom of heaven. Alles im Königreich des Himmels ist das Königreich des Himmels. Tout ce qui est le royaume des cieux est le royaume dans le royaume des cieux est le royaume des cieux. Are you getting it? The kingdom of heaven only have the kingdom of heaven. Das Königreich des Himmels hat nur das Königreich des Himmels. Donc le royaume des cieux a seulement le royaume des cieux. You and me are the kingdom of heaven. Du und ich sind das Königreich des Himmels. Toi et moi, nous sommes le royaume des cieux. Our thoughts, our ways, our motives, they are all the kingdom of heaven. Unsere Gedanken, unsere Wege, unsere Motive sind das Königreich des Himmels. Nos pensées, nos manières, nos motifs, ce sont toujours c'est ça le royaume des cieux. You can see what we value, what we love. You can see everything they are all from the kingdom of heaven. Was wir lieben, was wir wertschätzen, ist alles vom Königreich des Himmels. Ce qu'on aime, ce qu'on est en train de valoriser, c'est tout ça, c'est le royaume des cieux. And that's for everything. Of us, they suffer violence. Deswegen alles von uns Matthew 11, verse 12. Leidet Gewalt. Donc c'est pour cela tout ce qui nous appartient ou bien nous concerne, c'est oui, c'est est en train de souffrir donc on doit le prendre avec force. Amen. Matthieu 11, verse 12. Matthieu 11, verse 12. Matthieu 11, verset 12. It says, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence. And the violent take it by force. Everything of the kingdom of heaven, you suffer violent. And whatever you are going to have is going to suffer violent to live in you and live through you. Auf den Tagen Johannes zu besuchen. Bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan. Und diese Gewalt reißt es an sich. Und weil du das Königreich des Himmels zum Königreich des Himmels gehörst, wird auch alles, was dich betrifft, durch Gewalt angerissen. Et Matthieu 11, verset 12, depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est importé de force et les violents s'emparent. Et ça signifie que tout ce qui s'agit de toi, parce que tu appartiens du royaume des cieux, c'est importé de force. Your joy, your peace of our valley, because everything, the news coming, will not be, no, we want to take them. Are you getting it? For you to experience it, it must be with violence. Deine Freude, dein Frieden, all das wird versucht und es muss mit Gewalt an sich gerissen werden, damit du in dieser übernatürlichen Freude, in diesem übernatürlichen Frieden bleibst. Donc ta joie, ta paix, tout ça est en train de souffrir, est emporté de force, parce que, oui, tu appartiens au royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. We suffer violence. And the violence that we suffer, take it by force. Everything suffers violence. Alles erleidet Gewalt. Donc nous, on est vraiment, nous tous, on est importés de la force. Et c'est seulement les violents qui s'emparent. We suffer everything. Kingdom of heaven suffer violence because the earth and everything of the earth, they are opposite. And there we always want to fight it. And then we always want to tell you or tell them that this is, you are a liar. Alles im Königreich wird mit Gewalt angerissen, weil diese Welt einfach gegen das Königreich ist und immer wieder sagt, dass die Wahrheit eben die Lüge ist. Vu que ce monde est toujours contre le royaume des cieux, ça signifie que il y a on doit vraiment et ça nous fait voir que on est vraiment importé de force, nous les enfants de Dieu. Amen. What kind of suffering? Gottes Leiden. Can see three things there. Suffering. Suffer. What kind of suffering? It's not what this world calls suffering. Are you getting it? This world calls suffering when you are full of sicknesses and diseases. Well, that is not how to suffer for Christ. You suffer for Christ, for choosing Christ. Und für Christus zu leiden bedeutet nicht Krankheiten zu haben, sondern für Christus zu leiden bedeutet sich für Christus zu entscheiden. Et quand on est en train de on a souffrir. On est en train de souffrir pour le Christ, ça signifie pas, c'est pas comme dans ce monde quand tu souffres, parce que dans ce monde tu souffres quand tu es malade ou bien tu as des maladies. Non, nous on souffre seulement parce qu'on est en train de choisir Jésus-Christ et tu vois que tout le monde est contre nous en fait. And God kind of violent. The violent is not fighting people. He's choosing Christ no matter what outside is. Amen, amen. Und diese Gewalt, das heißt nicht Leute anzugreifen, zu bekämpfen, sondern es geht darum, Christus zu wählen. Amen. Amen. Et quand on dit que les violences s'emparent, ça signifie que nous, on doit faire violence. Mais quand on dit qu'on doit faire violence, ça signifie pas que nous, on doit commencer à frapper tous les gens ici en Allemagne ou bien en Europe ou même en Afrique. Non, on doit croire en Jésus-Christ, peu importe ce que les cinq sens nous disent. And then I talk about force. Are you getting it? Force. It's not what this will call force, that you are the one forcing. But the force that Christ himself is the one walking. Und dieser Zwang ist nicht der Zwang, was du dich selbst zwingst, sondern es ist dass der Herr durch dich arbeitet. Es geht nicht um den weltlichen Druck. Et quand il dit que quand il parle de la force, c'est pas que tu dois te forcer à faire quelque chose, non, c'est quand tu te forces à croire que c'est l'Éternel qui est en train de le faire à travers pour toi. Are you getting it? Mm-hmm. Everything of us is including our ways. We shall Christ's ways suffer a violence. It's not what, you know, we are not talking about the ways that seem right unto a man. The way that, you know, it's impossible unto a man. It suffer violence and the violence take it by force. Wir reden nicht über die Wege der Menschen, die Wege des Herrn, diese Wege, denen wird Gewalt angetan. Donc, nous, on parle pas des moyens du, de l'être humain, on parle des moyens du Christ. Amen. C'est ça qui est... Proverbe 14, verset 12. So there is a way which seems right unto a man. That is not our ways. You see there? The ways that seem right unto a man. Make sense. It make him, you know, to copy them. To sin, you know, to be, to not be in competition with them. It sounds right. Are you getting it? To do what they do. How they are going to do it. How they are going to fix everything. So let us go there and we'll see everything. And I do it the way that, you know, so that we can learn from them. We can never learn from the dead people. Bei mancher Weg erscheint den Menschen richtig, aber jetzt führt er doch zum Tod. Ne? Dass wir nicht anfangen, uns auf eine gleiche Ebene mit den Toten zu stellen, versuchen von ihnen zu lernen oder die Sachen nachzuahmen, obwohl sie tot sind und wir doch lebendig sind. Donc telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc ça signifie que toi, quelquefois, tu te dis que oui, c'est une mauvaise... tu veux copier quelqu'un ou bien tu es en compétition avec quelqu'un, ça te semble bien, mais c'est la voie de la mort. You know, the ways that seem right unto a man. You know how they are doing their things. We do our things that way. Let us go there. You know, the Lord sent people to the land of Canaan. We go there very soon. You know, not to copy them, but to see if they will say, yeah, we see them, I want to be like them. I don't know if somebody is getting it. Zu dem Land Kana geschickt, nicht damit sie diese Leute dann, die Kanaaniter dann nachahmen, sondern damit sie halt erkennen, dass der Herr über ihnen steht. Et les gens, l'Éternel avait envoyé quelques personnes espionner Canaan, mais pas pour voir ou pour dire que oui, ils sont plus on doit les copier, on doit être comme les habitants de Canaan. Non, pour voir que l'Éternel est plus grand que eux, pour voir que dass er über ihnen steht. Oui, pour voir que l'Éternel est plus grand que eux. There is a way which seem right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Praise the Lord. Yeah. You better allow his ways to be your ways. It's not having it. He can say this very thing is mine, but the way you get it, it's more important than that very thing. Denn er kann dir sagen, dass diese Sache von mir ist, aber die Art und Weise, wie du diese Sache machst, ist wichtiger als die Sache an sich. L'Éternel peut te dire que cette chose que tu fais, c'est oui, c'est moi qui te le donne, mais la manière que tu fais ces choses, c'est aussi important. Est-ce que c'est sa manière ou c'est ta propre manière? We don't have anything outside the kingdom of heaven. Wir haben nichts außerhalb dem Königreich des Himmels. On n'a rien en dehors du royaume des cieux. Our joy, our peace, our rest, everything. Unsere Ruhe. Notre joie, notre paix. Of alles von uns ist vom Königreich des Himmels. Tout ce qui nous concerne est du royaume des cieux.